أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن ارتكاب الذنوب والمعاصي أخطر الأمر يرتكبه العبد، ولا شك أن الاستمرار في الذنوب والمعاصي والعصيان يفسد العبد أو يفسد على العبد دنياه وأخراه، لا سيما إذا اتكل العبد على عفو الله العزيز الرحيم، وإلى وعلى التسويف والتوبة والاستغفار باللسان فقط. عباد الله، اعلموا أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة ودار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالة الولي الحميد أعظم عداوة وشقاوة. فهان على الله غاية الهوان وحل عليه غضب الرب تعالى، فصار قوادا لكل فاسق مجرب، عياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقته الموتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قومه ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع أرض قوم لوط حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليه فجعل عاليها سافلها فأهلكهم الله جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسه أمطر عليهم نارا تلظى وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أو نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للعرق فالأجساد للعرق والأرواح للحرق وما الذي خسف بقارون وداره وأهله وماله يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التوبة النصوح وعلى البعد عن الذنوب والمعاصي الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد لا شوز لا بغاب بكم السابتة est le péché et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur. Celui qui l'a créé pour une grande sagesse qui n'est autre que de l'adorer seul d'un culte sincère. Et sans aucun doute, si le serviteur qui reste dans les péchés ne se repent pas et ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute, il anéantira son bas monde, sa religion, sa dunya, et surtout son au-delà, et surtout son au-delà, particulièrement pour les serviteurs qui se reposent sur le pardon d'Allah et se disent de toute façon Allah est pardonneur et miséricordieux, et ceux qui disent plus tard lorsque je me marierai, et ceux qui disent plus tard lorsque j'accomplirai le pèlerinat, et ceux qui disent plus tard lorsque je prendrai de l'âme, à ce moment-là aura lieu le repentir. Ou encore ceux qui disent « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah seulement avec la langue, mais ils restent dans les péchés. Le péché, la désobéissance d'Allah est l'action la plus grave. Et ses effets sont les plus nocifs dans ce monde et dans l'au-delà. Sachez mes chers frères que le péché et la désobéissance nuisent au cœur de la personne, tout comme le poison nuit au corps de celle-ci. Et ses effets sont nocifs et nuisibles, que ce soit dans ce bas-monde, dans la tombe du serviteur, ou bien le jour de la résurrection. Et est-ce qu'il y a un mal qui touche le serviteur? Un malheur ou une diminution de bien et de bénédiction, sans que la cause ne soit les péchés commis et les désobéissances commises? Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Shura nous dit selon la traduction l'essence de ce verset « Il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que cela ne soit dû à ce que vos mains ont avancé. » Le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre « La maladie et le remède » Qu'est-ce qui a fait sortir les parents du paradis? C'est-à-dire Adam alayhi salam et Hawa radiallahu anha. Qu'est-ce qui a fait sortir les parents du paradis? La demeure du délice, du bienfait et de la joie vers la demeure, c'est-à-dire ce baron, vers la demeure de la douleur, de la tristesse et des malheurs. Qu'est-ce qui a fait sortir Iblis des habitants des cieux? Qu'est-ce qui a fait virer Iblis? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Iblis soit viré et maudit par Allah? Que son apparence et son intérieur aient changé. Il avait une belle apparence. Il a reçu par la suite la pire des apparences. Qu'est-ce qui a fait que sa proximité fut transformée en éloignement? La miséricorde accordée par son Seigneur en malédiction, sa beauté lui a été retirée. On lui a remplacé un paradis où on lui a remplacé le paradis par un feu ardent, la foi par la mécréance, la proximité d'Allah vers son éloignement et sa colère. Il n'a plus aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la colère d'Allah lui a été déversée. Il est donc devenu l'imam des prêcheurs à la perversion et au péché. L'imam des prêcheurs à la perversion et des péchés et au péché. C'est ainsi qu'Iblis, suite à une seule désobéissance, lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam, notre père pour Allah tabaraka wa ta'ala, il a reçu toutes ses punitions. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala invoque Allah et demande à Allah de nous préserver contre la désobéissance et le fait de commettre l'interdit d'Allah. Lui, il poursuit rahimahullah ta'ala en citant les peuples passés et il nous montre que chacun des peuples a été puni par Allah suite à leur désobéissance, suite à leur péché commis. Il nous dit: qu'est-ce qui a fait que l'ensemble des gens de la terre ont été noyés et que l'eau a atteint le sommet des montagnes? Qu'est-ce qui a fait que le vent a frappé le peuple de Had et les a tous anéantis jusqu'au dernier? Qu'est-ce qui a fait que le cri a détruit le cœur des habitants du peuple de Thamoud et a déchiré leur cœur qui était alors dans leur poitrine? Qu'est-ce qui a fait que le peuple de Lour a été anéanti, la terre a été soulevée, a été retournée, et ils ont reçu des pierres et un lourd châtiment venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un point tel que les anges ont entendu l'aboiement des chiens? Qu'est-ce qui a fait que le peuple de Pharaon, ainsi que ceux qui l'ont suivi, qu'est-ce qui a fait que Pharaon ainsi que ceux qui l'ont suivi ont été noyés dans la mer? Dans ce bas monde, ils ont été châtiés par la noyade. Et dans l'au-delà, ils seront châtiés par le feu. Leurs corps ont été donnés à la noyade et leurs âmes seront données au feu. Qu'est-ce qui a fait que Pharaon, ainsi que ses biens et sa famille, ainsi que sa demeure, ont été ensevelis sous la terre, dans la terre? Tout cela, mes chers frères, a pour cause une seule et même chose: les péchés et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans son livre que le mal est apparu sur la terre et sur l'eau de ce que les gens ont fait avec leurs mains, de ce que les gens ont fait avec leurs mains, afin qu'ils leur fassent goûter un peu de ce qu'ils ont commis. Peut-être reviendront-ils. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve dans ce bas monde afin qu'on se repente, et cela est dû à nos péchés. Et il y a une grande sagesse derrière cela, c'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmed rahimahullah rapporte le hadith de l'épouse du prophète alayhi salatu wa salam, Umm Salama, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاصِي فِي أُمَّتِي عَمَّهُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ. Lorsque les péchés apparaîtront de manière évidente dans ma communauté, lorsqu'ils seront apparents, Allah les châtiera tous. Allah les châtiera tous. Alors Umm Salama radiallahu anha a dit au messager d'Allah: n'y aura-t-il pas parmi eux des personnes pieuses? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, mais ils seront aussi touchés. Lui, Allah leur accordera son pardon et sa miséricorde. Donc il nous faut prendre garde aux péchés et aux désobéissances, particulièrement ce qui, dans le regard du serviteur, peut paraître petit et minime. Il ne te faut pas regarder la bassesse du péché, mais il te faut regarder la grandeur de celui auquel tu désobéis. Allah, Al-Aziz Al-Jabbar. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iyyakum wa muhaqqirati dhunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlika hatta yuhlikna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: prenez garde au péché que vous minimisez, car elles se réunissent sur l'homme jusqu'à l'anéantir. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, nous dit comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, « Innakum lata'amaluna a'malan, innakum lata'amaluna a'malan, lahia ahakku, lahia adakku fi a'yunikum minas sha'ri, wa in kunna lana'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam minal mubiqat. » Anas ibn Malik radiallahu anhu disait aux tabi'in, vous commettez des péchés que vous voyez plus fins et plus minimes qu'un cheveu, alors qu'à notre époque, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on considérait ces péchés que vous considérez minimes, on les considérait comme des grands péchés, comme des péchés qui anéantissent celui qui les commet, comme des péchés qui anéantissent celui qui les commet. Et Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, nous dit, comme nous rapporte Imam Bukhari et Imam Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Uzdibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Méditez ce hadith et comparons nos actions aux actions de cette femme. Le prophète alayhi wa sallam nous dit: Il y a une femme qui a torturé un chat. Il y a une femme qui a torturé un chat. Elle l'a enfermé jusqu'à ce que ce chat soit décédé. Ni elle ne lui a donné à manger, ni elle ne lui a donné à boire, ni elle ne l'a libéré pour qu'il puisse manger de ce qu'il y a sur la terre. Alors elle sera châtiée pour cela. Pour un animal, Allah Ta'ala a puni cette femme. Que dire alors de ceux qui torturent des âmes et leur ôtent la vie, Iyad al-Billah. L'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, nous dit, j'ai entendu Bilal ibn Sa'd, rahimahullah, dire: La tanzur ila sirat al-khati'a, walakin unzur ila man asayta. Il disait, ne regarde pas la petite taille de ton péché, mais regarde plutôt celui à qui tu désobéis, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit: Ya sahib al-dhamb, la ta'man su'a aqibati. Il y a un taxi devant la mosquée qui gêne la circulation. Il y a un taxi devant la mosquée qui gêne la circulation. Il demande à la personne de déplacer son véhicule, wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, comme cela nous est mentionné dans l'Ilya, disait: Ya sahib al-dham, ô toi le pécheur, ô toi qui commets des péchés, c'est-à-dire nous tous, ya sahib al-dham, la ta'man su'a aqibati, ne te sens pas à l'abri de sa finalité. Wa dha'ikuka wa anta la tadri ma Allah sali' bik a'zam min al-dham. Puis il disait: Et le fait que tu te permettes de rire alors que tu ne sais pas ce qu'Allah fera de toi suite à ce péché est encore pire que le péché que tu es en train de commettre. Puis il disait, rahimahullah ta'ala, wa fara'uka bidhanb idha rafirta bih a'zam min al-dhanb. Puis il disait, rahimahullah ta'ala, puis il disait, radiallahu anhuma, et la joie que tu as lorsque tu réussis à commettre ce péché est pire encore que le péché lui-même. Wa husnuka min al-dhanb idha fataka a'zam min al-dhanb. Puis il disait, et la tristesse que tu as lorsque tu ne réussis pas à commettre le péché est encore pire que le péché commis lui-même. Wa khawfuka min fath al-bab wa raf' al-sitar bir-rih a'zam min al-dhanb حيث لا تخشى نظر الله. Puis il disait rahimahullah ta'ala, et lorsque tu te caches pour commettre le péché, et que la chose que tu redoutes le plus, et que tu crains le plus, et que la porte s'ouvre, alors que tu es en train de désobéir Allah, est pire que le péché, car tu crains le regard de la créature, et tu oublies qu'Allah te voit et te surveille, tout cela est pire que le péché lui-même. Et l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, nous dit que Abu Huraira radiallahu anhu, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al-mu'mina, idha adnaba dhanban » Certes, le croyant, lorsqu'il commet un péché, « Nukitat fi qalbihi nuktatan sauda » On lui inscrit, ou bien on lui grave sur le cœur un point noir. « Fa in taba wa naza'a wa staghfar » Souqila qalbu, si il se repent, délaisse le péché et demande pardon à Allah, alors son cœur sera nettoyé. Wa idha zada zadat, et s'il recommence et ajoute des péchés, on ajoutera ses points noirs sur son cœur. Hatta ta'lwa qalba, jusqu'à ce que ça prenne le dessus sur son cœur. Fa dhalika Allah, voici le cachet, alladhi dhakarahu Allah. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Voici ce à quoi fait référence Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Mutaffifin, lorsqu'il nous parle des cœurs qui seront cachetés dû à leurs nombreux péchés. Il nous faut donc savoir qu'Allah Azza wa Jal nous voit et nous surveille, et que les péchés ont d'énormes conséquences dans le baroum de la personne et dans l'au-delà, et que la personne qui ne ressent pas les effets des péchés pense que les péchés n'ont pas d'effet. Mais il lui faut savoir que dans tous les cas, le péché a un effet, que ce soit sur le coup, que ce soit dans son futur proche, dans son baroum et dans l'au-delà. Abu Darda radiallahu anhu nous dit وَعَلَمُ أَنَّ الْبِرَّ لَا يَبْلَى وَأَنَّ الذَّنْبَ لَا يُنْسَى. Sachez que les bonnes actions ne disparaissent pas, et que le péché n'est pas oublié. Et que le péché n'est pas oublié, c'est-à-dire sans repentir. Et parmi les plus grands points qui aident à délaisser le péché, le fait de connaître les effets des péchés sur le serviteur dans son baroum et dans l'au-delà. Et ça sera le sujet de la khutba de la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى nous dit en poème, c'est quelques vers de poésie. Il nous dit: j'ai vu que les péchés entraînait l'humiliation. C'est-à-dire que celui qui reste dans les péchés, Allah l'humilie. J'ai vu que la conscience dans les péchés entraînait l'humiliation. Et le délaissement des péchés, avec cela, il y a la vie des cœurs. Avec cela, il y a la vie des cœurs. Et c'est meilleur pour toi. Ou bien avant ça, j'ai vu que les péchés faisaient mourir les cœurs. J'ai vu que les péchés faisaient mourir les cœurs. Et que la constance dans les péchés entraînait l'humiliation du serviteur. Et le délaissement des péchés, dans cela, avec cela, il y a la vie des cœurs. Et c'est meilleur pour toi que de les délaisser. C'est meilleur pour toi que de les délaisser. Et l'autre dit: si tu as vu que les péchés ont engendré en toi la solitude, bien que tu sois bien entouré, délaisse-les pour avoir la proximité du bien-aimé. Délaisse-les pour avoir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ayn. Allahumma ighfir lana dhunubana diqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Il y a notre frère Farid qui a perdu son père, rahimahullah, et après la prière, inshallah ta'ala, on priera sur lui. Immédiatement après Salatul Jumu'ah, on priera sur lui. Et il y a une famille qui a aussi été éprouvée par le décès d'un enfant de 5 ans. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder à cette famille l'endurance et de mettre cette petite mal d'approche de Ibrahim alayhi salam, qui a auprès de lui, comme ça a été cité dans le hadith, les enfants qui décèdent parmi les musulmans. Et je vous rappelle le projet de la construction de la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala récompense les donateurs. Subhanahu wa ta'ala wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Il y a aussi la fille de notre frère Walid qui est à l'hôpital, qui est malade. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la guérison. Et la soeur d'un frère qui est gravement malade, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la accorder à tous. Shifa, Allahumma ya hayyu ya qayyum. اللهم إنك أنت الشافي أنت على كل شيء قدير اللهم إنا عليك بالشفاء والحمد لله.